Grand 3. Hélas, la nouvelle de la capitulation de Sedan me fut apportée le lendemain matin au quartier du 72e de ligne par un officier de mobile. Le désastre surpassait tous les précédents. La honte nous semblait monter démesurément, comme les eaux du déluge. Il s'y mêla chez moi une préoccupation enfantine. Je me demandais avec inquiétude si la guerre n'allait pas être fatalement terminée. Aussi, sans peser les chances favorables et les chances contraires, j'applaudis aux résolutions du gouvernement de la Défense nationale, qui répondaient à mes aspirations et aux sentiments généreux du pays. Mon rêve ne se réalisa pas si tôt que je l'avais espéré. Je m'imaginais que 3 ou 4 jours après mon engagement, je serais habillé, équipé, armé et dirigé vers l'armée. Il me fallut plus de patience. La plupart de mes chefs, peut-être inconsciemment, pratiquaient la calme philosophie de Henri Roland. Pour eux, je n'étais qu'un numéro matricule, qui prenait sa place entre deux autres, et marcherait quand son rang serait appelé. Or, les jours et les jours passaient, et rien ne faisait prévoir que cet appel aurait lieu. Il régnait à la caserne un désordre inexprimable. Dans la hâte de former et d'organiser l'armée du Rhin, aucune mesure n'avait été prise pour encadrer les réserves au fur et à mesure de leur arrivée. Il n'y avait au dépôt du 72e qu'une seule compagnie, qui comptait 1400 ou 1500 hommes. Si actif que fussent le sergent-major et son fourrier, ils ne pouvaient, malgré un travail forcené et des veilles prolongées, y voir clair dans leur comptabilité. Un dimanche, le chef de bataillon commandant le dépôt voulut procéder lui-même à une revue sérieuse. Tout le troupeau, car le nom de troupe ne pouvait s'appliquer à cette cohue, se trouva dès 6 heures du matin dans la cour du quartier et l'appel commença. « Présent, présent, présent !» Le mot était lancé sur des tons très différents, tantôt en fausset, tantôt en faux-bourdon, à intervalles inégaux. Parfois l'appelé était tout proche. Plus souvent, il était perdu dans la foule ou à l'autre extrémité de la cour. Les noms peu familiers aux officiers n'étaient pas toujours intelligemment prononcés, et plus d'un avait besoin d'être répété pour parvenir à son adresse. Il fallait perdre plusieurs minutes pour ajouter un rang à la double file, qui à la longue s'allongeait cependant, s'allongeait comme un ver annelé. Mais le groupe compact des noms appelés paraissait à peine entamé, et midi approchait. La lassitude était générale, pour un résultat illusoire. Quel avantage de dénombrer cette foule, puisqu'il était impossible de la sectionner, faute de savoir à qui confier la surveillance et la direction de chaque peloton. Le commandant perdit patience et courage. Il fit sonner la soupe, bien avant d'avoir achevé la lecture du contrôle général. Cette tentative avortée tourna contre la discipline. Ceux qui redoutaient encore une surveillance relative s'estimèrent dès lors sûrs de l'impunité, et beaucoup en profitèrent pour déserter à peu près complètement la caserne. Inutile de dire que je n'étais pas du nombre. Avec le même sérieux qu'un bambin montant la garde armée d'un fusil de bois, j'étais d'une exactitude scrupuleuse à remplir de devoirs fort mal définis. À l'heure où le quartier était régulièrement ouvert, j'allais voir un instant ma famille, mais pour rien au monde je n'eusse découché. Et ce n'était pas la bonté du lit qui m'attirait. Pour mieux dire, je n'en avais ni de bon ni de mauvais. Notre caserne ressemblait à une halle ouverte la nuit aux vagabonds. L'espace ne nous manquait pas. Nous avions la libre disposition de toutes les chambrées laissées vides par le régiment. Mais 200 ou 300 fournitures de lits y étaient clairsemées. Il nous en manquait donc plus de 1000. De distance en distance, le long des murs, matelas et paillasses avaient été juxtaposés par terre, afin d'accroître la surface de couchage. Quand la retraite battue, on rejoignait à tâtons le coin dont on avait pris possession la veille, il n'était pas rare de le trouver occupé par un ronfleur inconnu, déguenillé et malpropre. Heureux celui qui pouvait alors découvrir une planche ou un banc pour y dormir en équilibre, plutôt que d'aller s'étendre sur la brique nue. Tout a une fin, même le désordre. L'attention de nos chefs était concentrée d'ailleurs sur la préparation d'un détachement de 200 hommes, au nombre desquels je sollicitais vainement d'être compté. Leur départ effectué, la compagnie de dépôt fut dédoublée. D'anciens soldats engagés constituèrent les cadres, et tout prit alors une allure militaire. Les hommes, une fois recensés, il fut assigné à chacun une place dans les chambrées. Qu'il y eût des lits ou non, il fallait s'y trouver, appels réguliers matin et soir, punitions sévères au moindre manquement, et chaque jour un nouveau groupe allait troquer des vêtements dépareillés ou sordides contre l'uniforme en drap neuf, raide et lustré. L'enfantine joie d'étrenner ma première culotte est sortie de ma mémoire, mais je suppose qu'elle fut comparable à celle que j'éprouvais en sortant à mon tour du magasin d'habillement. Enfant, j'avais cru me croire un homme en chaussant l'inexpressible. Homme, je me croyais presque un héros, parce que j'étais vêtu comme d'autres qui s'étaient sacrifiés héroïquement. Fier, je l'étais, mais non pas élégant. Mon pantalon rouge semblait être né de l'union de deux sacs. Ma veste, en drap gros bleu, eût pu servir de corsage à une plantureuse nourrice. Pardonnez à un troupier cette comparaison. Et la visière de mon képi était si longue que l'ombre en était projetée sur toute ma figure. Je ne la redressais pas, à dire vrai, comme c'était la mode alors. Au contraire, je m'efforçais de la rabattre selon le type d'aujourd'hui, car je tenais à n'être pas confondu avec les nombreux infirmiers que distinguait un beau numéro blanc. Il me semblait, en traversant la ville pour me rendre de la caserne à la maison paternelle, que mon nouvel accoutrement dut me valoir l'attention générale, presque des égards universels. Loin de là, personne ne me regardait. Des amis que j'arrêtais s'y prirent à deux fois pour me reconnaître sous mon banal déguisement. Après quoi ils s'esclaffèrent en me regardant de face, de profil et de dos. Ce ne fut point le ridicule de ma nouvelle tenue qui frappa ma mère. Elle aussi pensa qu'à présent j'avais un premier point de ressemblance avec ceux qui, à l'autre bout de la France, versaient leur sang. Sa tristesse et la gravité de mon père, quand il me considéra longuement, témoignèrent qu'ils pressentaient et redoutaient tous deux une séparation prochaine. Elle l'était en effet, mais mon ardeur batailleuse devait être longtemps contrariée, car ce n'était pas vers le nord que j'allais être emmené loin d'eux. Le gouvernement de la Défense nationale avait assumé une lourde tâche. Pour y organiser en face de l'envahisseur, il n'avait pas le loisir d'aller cueillir les violettes cachées. Il dut accepter les concours qui s'offraient bruyamment, sans trop se préoccuper des aptitudes. Armand du Portal, ancien déporté, il est vrai, rédacteur en chef du journal le plus avancé de Toulouse, fut de la sorte bombardé préfet de la Haute-Garonne. Sur je ne sais quelle plainte de quelques mauvais soldats, le nouveau préfet admonesta vertement notre commandant, lequel prit mal la chose. Pour couper court aux différends, le ministre de la Guerre ordonna par le télégraphe notre départ immédiat à destination de Perpignan. Déménager un dépôt, ce n'est pas une petite affaire. En 48 heures, le stock des magasins fut à moitié réparti entre nous. Chaque objet nous causait une surprise et un embarras nouveau. Et il nous fallut bâcler en un jour ce que les jeunes soldats apprennent d'habitude à faire en 6 mois. Pour loger dans l'armoire minuscule que constitue le havresac, toute sa garde-robe, linge, chaussures, brosses, et y réserver la place d'honneur aux cartouches, il n'y a pas à perdre l'épaisseur d'une épingle. Tout bien aménagé en dedans, il reste à édifier l'extérieur, ce qui n'est pas moins difficile. Tentes et couvertures doivent être roulées ensemble, dans des proportions fixes. Piquets, outils, ustensiles de campement exigent une répartition égale et symétrique, de peur qu'une épaule ne devienne jalouse de l'autre. Sur le tout, enfin, il faut par un miracle d'équilibre fixer la gamelle, qui à l'occasion servira de garde-manger, et qui semblera élevée au-dessus du képi comme un casque de fer blanc. Que notre paquetage fût cette fois exécuté selon les meilleures règles, je n'oserais l'affirmer. Toujours est-il qu'il nous avait occupés fort, et qu'il parut abréger encore le court délai qui nous avait été accordé. Le départ devant avoir lieu à l'aurore, j'avais demandé une permission de minuit pour passer en famille ma dernière soirée. Le rendez-vous était chez ma sœur, mariée depuis quelques années. Par une délicate attention, elle avait réuni autour de nos parents ceux de ses amis qu'elle savait mettre le plus cher. Elle habitait, je m'en souviens, en face du quartier général. De ses fenêtres, nous avions aperçu le général de Lorraine 16 faire, naguère, son repas d'adieu. Il était seul vis-à-vis de la générale entre leurs enfants. Ce soir-là, le tic nerveux de sa physionomie, toujours grave, paraissait s'accentuer. Le hardi soldat de Puebla, peut-être disgracié à tort, était fondé à prévoir la funeste issue d'une guerre imprudente. Cela seul eût justifié sa noble tristesse, à moins que son ambition ne souffrît d'avoir à jouer un rôle effacé auprès de celui du commandant en chef qui allait malheureusement échoir à l'autre héros du Mexique. Pour moi, une situation infime et de modestes devoirs facilement remplis, tout cela me laissait une conscience légère. Tous mes préparatifs étant terminés, j'étais à l'une de ces heures où, après une légère fatigue du corps, le repos qui le soulage donne en même temps à l'esprit toute sa plénitude et lui rend son entière liberté. Heureux de me trouver dans cette réunion, ami, je ne songeais pas à remonter à sa cause. Mon cœur se complétait par la sympathie générale qui semblait rayonner vers moi comme une bienfaisante chaleur. Ma gaieté était pleine, franche, quoique sans éclat. Quel instant dans ma vie! Dès le commencement du repas, la conversation s'anima, grâce aux efforts de chacun pour paraître gai. On plaisante et l'on rit. Puis on choque le verre pour boire aux exploits du troupier et à son heureux retour. L'un de mes frères, collectionneur enragé, me fait promettre de lui rapporter un souvenir prussien, et l'on me souhaite encore de revenir sain et sauf. Pourtant, mon beau-frère semble prophétiser. Bah, quand vous seriez légèrement atteint, par exemple au bras gauche, à quoi je réponds à la Toulousaine ? Certes, je le voudrais bien. Pour courir la chance d'une riposte heureuse. Le repas fut long. Passé au salon, nous achevions à peine de prendre le café que la pendule sonna 11 fois. La caserne était assez éloignée et je n'avais que la permission de minuit. Aussitôt rappelé au sentiment de l'exactitude militaire, « Maman, dis-je, en me tournant vers ma mère, je vais partir. » Que se passa-t-il soudain en moi ? Je me penchai vers elle et, comme si une main d'acier m'eût étreint la gorge, je fus un instant sans voix. Un torrent de larmes s'échappa brusquement de mes yeux. Je sanglotais. Je n'eus pas conscience du temps qui s'écoula. Pendant que, la tenant pressée sur mon cœur, je balbutiais des paroles entrecoupées, lui promettant que je reviendrais et que nous nous reverrions. Elle avait le calme d'une sainte et contenait son immense douleur. Durant toute la soirée, elle avait été souriante, héroïque. Parlant peu, mais m'enveloppant sans cesse des caresses de son regard limpide, retenant ses larmes, parce qu'elle savait que je n'aurais pas été joyeux si je l'avais vue triste, courageuse, parce que j'avais besoin de courage, car m'ayant donné la vie, elle tenait à m'inspirer aussi les vertus qui l'honorent. « Fais toujours ton devoir, me dit-elle simplement, en essuyant mes larmes, comme au jour de mes premiers chagrins, et n'oublie jamais Dieu. C'est le sûr moyen de nous retrouver un jour. S'il décide que ce ne doit plus être ici-bas, ce sera dans un monde meilleur. » Mais l'enfant s'était retrouvé en moi, et ma tendresse filiale continuait de se répandre en un flot irrésistible, inépuisable. Quand je me reconnus, j'étais à ses pieds. Nous étions seuls. Reprenant enfin courage, je me levai et m'éloignai avec effort. Mais à la porte, une idée me heurta. Cet obstacle inerte allait la dérober pour toujours, peut-être à ma vue, placée entre elle et moi, l'inconnu. La mort, qui sait ? Alors je revins vers elle. Je m'élançai dans ses bras de nouveau et la contemplai longuement. 20 années d'état maladif, 6 maternités et la mort d'un enfant l'avaient amaigrie, affaiblie, sans pouvoir altérer sa beauté modeste et sereine. Cette douce figure encadrée de bandeaux noirs abondants, ce profil si pur, ne les verrais-je donc plus ? Ces beaux yeux bleus au regard indulgent et tendre, ne se lèvera-t-il plus sur moi ? Ces lèvres un peu fortes, d'où jamais, jamais, aucune médisance ne s'était échappée, ne murmurent-elles plus pour moi de consolantes paroles ? Pourquoi, cependant ? Parce que la patrie l'exigeait. La patrie, abstraction tyrannique, valait-elle un tel sacrifice ? Il faut le croire, car mon affection filiale était vive, profonde, et pourtant, quand après avoir frénétiquement embrassé ma mère, je me précipitais hors du salon, n'y voyant plus, ne pouvant plus parler, mon cœur était navré, déchiré, mais il ne ressentait l'aigreur d'aucun regret, d'aucun remords. Ma douleur était saine et en quelque sorte fortifiante. Le lendemain, malgré l'heure matinale, mon père et mes frères étaient à la gare, accompagnés de plusieurs amis. Devant tant de témoignages affectueux, je sentis prêt à se renouveler l'accès de sensibilité de la veille. Je me hâtais de me dérober au regard de la foule indiscrète. Bientôt, le cri de la locomotive annonça le départ. Le train s'ébranla. Quand la gare eut disparu, j'aperçus longtemps le clocher de la basilique de Saint-Cernin, dressant son cône de briques tout rose sur le champ d'azur du ciel. Il reparaissait encore, puis enfin ne se montra plus. Pourtant, je distinguais toujours le vert feuillage des grands platanes de l'allée Sainte-Anne, à l'ombre desquels j'avais si souvent joué avec mes condisciples dans nos promenades du jeudi. À son tour, il se perdit dans le lointain, et je demandais s'il me serait donné de le revoir un jour.